fort. Tu parles plus que l'on a famé. Ok, j'mène pas la vie de château, ni la vie de château. Juste celle d'un mec qui se démène pour pas être charclos. Tous les jours, ça pique grave, demande à Skeno. C'est grave, on se voit plus le coin de rue que la Skemo. La vie est courte, le futur est instable. Aujourd'hui, tu roules en cap, et demain, tu pètes un cap. Les petits sèchent l'école pour fourguer de la rafla. Pour eux, c'est devenu banal d'aller au car plat. Ça part en couille, on me dit de rester optimiste. Les mecs cuisinent le toast comme si c'était des chimistes. Comme les murs, je vois les types qui se dégradent. Baisse bar, c'est la crise, jumelle ça avec Belgrade. Ambiance tendue, atmosphère épouvantable. Des agents de police happés en épouvantail. Tu peux brancher sans preuve, ils te font plonger. Du monde, t'es débranché, cloué sur ta peine planchée. Monde de bâtards, cache 24, j'analyse. Soyons réalistes, tu peux vivre, faut tu réalises. Comment rester pisse, ta solution c'est le pisse. Tu racles les factures en vendant du cannabis. Monde de bâtards, cache 24, j'analyse. Soyons réalistes, tu peux vivre, faut tu réalises. Aujourd'hui, tu peux crever sur le parvis. Bug sur ma vie, tout le monde dit s'en fout de ta vie. Eh ouais, y'a peu de poteaux et beaucoup de pétasses. Pas monde, c'est du mytho, demande à Puntos. Les anciens se saoulent et n'ont plus le tonus. Tu les sous dans les machines à sous pour péter le bonus. C'est hard, dans le porno, des sœurs finissent. Dans des business illégaux, les types s'immiscent. Les frères coffrent à en avoir mal au cul. Mes potos sont coffrés et ça donne mal au cœur. Sur les routes de l'oseille, on marche les yeux bandés. Au tournant, y'a toujours un bâtard qui veut te planter. Trop de fierté pour gratter l'armée du salut. J'ai passé ma jeunesse dans un immeuble insalubre. Avant, je rêvais du ballon d'or comme pendiant. Mais je me suis réveillé, je veux pas finir mendiant. Des fois, je suis faible face au fils du démon. Je suis pas le seul dans ce cas, j'étale les fils du démon. Monde de bâtard, cache 24, j'analyse. Soyons réalistes, tu peux vivre, faut tu réalises. Comment rester pisse, ta solution c'est le pisse. Tu racles les factures en vendant du cannabis. Monde de bâtard, cache 24, j'analyse. Soyons réalistes, tu peux vivre, faut tu réalises. Aujourd'hui, tu peux crever sur le parvis. Bug sur ma vie, tout le monde dit s'en fout de ta vie.